الإشارة بأن الله تعالى سيزيل شكواها ويرفع بلواها، ولهذا ذكر حكمها وحكم غيرها على وجه العموم فقال: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. المظاهرة من الزوجة أن يقول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي، أو غيرها من محارمه، أو أنت علي حرام. وكان المعتاد عندهم في لفظ الظهر، وكان المعتاد عندهم في هذا لفظ الظهر، ولهذا سماه الله ظهارا، فقال: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، أي كيف تتكلمون بهذا الكلام الذي يعلمون، كيف يتكلمون بهذا الكلام الذي يعلمون أنه لا حقيقة له، فيشبهون أزواجهم بأمهاتهم اللاتي ولدنهم. ولهذا عظم الله أمره وقبحه فقال: وإنهم ليقولون منكرا من القول، أي قولا شنيعا وزورا، أي كذبا. وإن الله لعفو غفور عمن صدر منه بعض المخالفات فتداركها بالتوبة النصوح. شيخ السعدي رحمه الله تعالى دي تفسير سورة قد سمع وهي مدنية. L'explication de سورة قد سمع الله est appelée aussi سورة المجادلة, qui est une sourate médinoise. Et la différence entre les sourates mécoises et les sourates médinoises, on l'a vu à plusieurs reprises, la différence majeure est que la sourate mécoise est celle qui est révélée avant l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam vers Médine. Et les sourates médinoises, ce sont celles qui ont été révélés après la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam, indépendamment du lieu de la révélation. C'est-à-dire qu'une sourate médinoise peut très bien avoir été révélée à la Mecque, à Am al-Fath, l'année de la victoire. D'accord ? Et vice-versa également pour les sourates mécoises. Et ce qui fait aussi, de façon générale, ce qui était constaté par les savants, est que les sourates mécoises font souvent référence à la croyance, au tawhid, font souvent référence aux arguments qui sont apportés aux polythéistes pour prouver la nullité de leur croyance. Les versets ou les sourates mécoises sont souvent des sourates dans lesquelles il y a des exhortations de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala sur le paradis, sur l'enfer, sur l'au-delà. Quant aux sourates médinoises, aux versets médinois, de façon générale, ce n'est pas au cas par cas, mais de façon générale, ce sont des versets qui traitent des jugements. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a émigré à Médine, c'est là où les musulmans avaient besoin de connaître les jugements relatifs à leur religion, une religion qui, dans cette ville de Médine, pouvait mettre en application, chose qu'ils ne pouvaient pas mettre en application de façon ouverte à la Mecque. Donc on remarque souvent que les sourates ou les versets médinois comportent de nombreux jugements juridiques. Donc dans cette sourate, Qad Sami Allah, Cheikh Sa'di dit que ces versets ont été descendus sur un homme parmi l'Ansar. Comme salam Allah. Dont la femme s'est plainte à Allah et a discuté à son sujet avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque cet homme a interdit sa femme pour lui-même, lorsqu'il s'est interdit sa femme. Après qu'il ait été longtemps avec elle, après avoir eu un certain nombre d'enfants avec elle, c'était un homme âgé. Et cette femme, qui n'est autre que Khawla bint Tha'laba radiyallahu ta'ala anha, bint Tha'laba radiyallahu ta'ala anha, s'est plaint donc au prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Elle s'est plainte à Allah et elle s'est plainte également au prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam et elle a insisté sur cela. Et le hadith est authentique lorsqu'elle a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, oh, envoyé d'Allah, je lui ai donné ma personne, je lui ai donné mon ventre, c'est-à-dire que je lui ai donné des enfants, jusqu'à ce que j'ai avancé en âge, il me laisse. Il me laisse. Et elle s'est donc entretenue, elle s'est plainte au prophète sallallahu alayhi wa sallam et a discuté avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet. Allah عز وجل a dit « قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا » Allah a bien entendu la parole de celle qui discutait avec toi à propos de son époux et se plaignait à Allah. Et Allah entendait votre conversation. C'est-à-dire qu'Allah Azzawajal entendait la discussion qu'il y avait entre toi et elle. Dans le hadith authentique, Aisha radiallahu anha, elle dit « Gloire à Allah, qu'Allah soit purifié de tout défaut, que Aisha radiallahu anha était à proximité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et malgré sa proximité, elle n'entendait pas la conversation qu'il y avait entre cette femme, Khawla bint Tha'laba, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais Allah azza wa jal a entendu cette conversation. D'au-dessus les cieux, subhanahu wa ta'ala. Inna Allah sami'un alim. Pour cela qu'Allah azza wa jal a dit ensuite, Inna Allah sami'un basir, afwan. Qu'Allah Azzawajal a clôturé ce verset en disant « Allah entend tout ». C'est-à-dire qu'Allah Azzawajal entend toutes les voix, à tout moment, quelle que soit la diversité des besoins qui sont exprimés. Donc tous les besoins qui sont exprimés sur cette terre et dans cet univers, quelle que soit la personne qui parle, quelle que soit la langue, avec laquelle elle parle, quel que soit le besoin qu'elle exprime, quel que soit le moment de celui-ci, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala l'entend parfaitement. Basir, et il est clairvoyant, c'est-à-dire qu'Allah azza wa jal voit tout. Et ici, Cheikh Saadi dit, il voit le déplacement d'une fourmi noire qui se déplace sur un rocher noir dans une nuit sombre. Et ceci pour informer du caractère parfait de l'ouïe d'Allah et de sa vue. Et que l'ouïe et la vue d'Allah subhanahu wa ta'ala englobent toutes choses, les choses grandes comme les choses minimes et minutieuses. Et cela comporte وفي ضمن هذا إشارة et il y a dans cela un signe que Allah subhanahu wa ta'ala allait dissiper cette peine de cette femme Khawla bint Tha'laba et qu'Allah subhanahu wa ta'ala allait lever son épreuve. Pour cela qu'Allah azza wa jal par la suite a cité le jugement de ce dont elle a été victime. Le jugement de ce dont elle a été victime de la part de son mari. Allah Azza wa Jal a dit ensuite, dans le verset 2, « Alladhina yudhahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illa allai waladnahum » Ceux d'entre vous qui font le zihar, alors qu'elles ne sont nullement leur mère, car ils n'ont pour mère que celles qui les ont enfantées. Al-Sheikh Al-Sa'di, rahimahullah, dit « Al-Mudhaharatu min al-Zawja » Le fait de faire al-Zihar, que je pourrais difficilement traduire, c'est le fait que le mari dise à sa femme « Tu es pour moi comme le dos de ma mère. Tu es pour moi comme le dos de ma mère. » Ou tout autre toute autre personne qui fait partie des femmes qui lui sont interdites au mariage. Tu es pour moi comme le dos de ma grand-mère, tu es pour moi comme le dos de ma fille, tu es pour moi comme le dos de ma sœur, etc. Ou de dire par exemple, tu es pour moi interdite. Tu es pour moi interdite. Et parce que le terme qui était souvent utilisé dans cette expression était le dos, pour cela qu'Allah Azzawajal a appelé cela « zihara ». Tu es pour moi comme le dos de ma mère. Autrement dit, qu'il s'interdit d'avoir des rapports avec son épouse. Par l'expression que j'ai citée, ou par des expressions similaires dont l'on comprend le même sens. Puis Allah Azza wa Jalla dit « Alladhina yudhahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim » Ceux d'entre vous qui font le zihar, alors qu'elles ne sont nullement leurs mères. Al-Sheikh Al-Sa'di dit, c'est-à-dire, comment peuvent-ils dire de telles paroles? Donc, les maris qui disent de telles paroles à leurs femmes. Comment peuvent-ils dire de telles paroles alors qu'ils savent que cette parole n'est pas vraie? Ils font ressembler leurs épouses à leurs mères qui les ont mis au monde. Pour cela qu'Allah Azza wa Jal a considéré cette parole comme étant très grave. Et l'a condamné lorsqu'il a dit Azza wa Jal, wa innahum la yaquluna munkaram min al-qawl. Et il prononce une parole blâmable, c'est-à-dire une parole horrible, wazura et mensongère. Wa inna Allah la afuun ghafur. Et Allah est indulgent et pardonneur de ce qui émane d'eux comme contradiction et comme erreur, et qu'il rattrape et corrige par un repentir sincère. Donc ceux qui font Az-Zihar, ceux qui disent Az-Zihar, ici Allah Azza wa Jal l'a considéré comme une chose blâmable, l'a considéré comme un mensonge, et ce qui prouve également que Al-Zihar est interdit en islam, il y a le fait qu'Allah Azza wa Jal ait dit « Wa inna Allah la afuun ghafur » qu'Allah Azza wa Jal est indulgent et pardonneur. Or, si Allah Azza wa Jal est indulgent et pardonneur, c'est face à une erreur et un péché. Donc tout ceci prouve que Al-Zihar en islam est interdit. Thumma qala al-muallif رحمه الله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا اختلف العلماء في معنى العود فقيل معناه العزم على جماع من ظاهر منها وأنه بمجرد عزمه تجب عليه الكفارة المذكورة ويدل على هذا أن الله تعالى ذكر في الكفارة أنها تكون قبل المسيس وذلك إنما يكون بمجرد العزم وقيل معناه حقيقة الوط ويدل على ذلك أن الله تعالى قال ثم يعود لما قالوا والذي قالوا إنما هو الوط وعلى كل من القولين فإذا وجد العود صار كفارة هذا التحريم تحرير رقبة مؤمنة كما قيدت في آية أخرى ذكر أو أنثى بشرط أن تكون سالمة من العيوب المضرة. بشرط أن تكون سالمة من العيوب المضرة بالعمل من قبل أن يتماس، أي يلزم الزوج أن يترك وطأ زوجته التي ظاهر منها حتى يكفر برقبه. ذلكم الحكم الذي ذكرناه لكم توعظون به، أي يبين لكم حكمه مع الترهيب المقرون به، لأن معنى الوعظ ذكر الحكم مع الترغيب والترهيب. فالذي يريد أن يظاهر إذا ذكر أنه يجب عليه عتق رقبة كف نفسه عنه، والله بما تعملون خبير، فيجازي كل عامل بعمله. فمن لم يجد رقبة يعتقها بأن لم يجدها أو لم يجد ثمنها، فعليه صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس. فمن لم يستطع الصيام فإطعام 60 مسكينا، إما بأن يطعمهم من قوت بلده ما يكفيهم كما هو قول كثير من المفسرين، وإما بأن يطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره مما يجزئ في الفطرة كما هو قول طائفة أخرى. ذلك الحكم الذي بيناه لكم ووضحناه لكم لتؤمنوا بالله ورسوله، وذلك بالتزام هذا الحكم وغيره من الأحكام والعمل به. فإن التزم أحكام الله والعمل بها من الإيمان. بل هي المقصودة مما يزيد به الإيمان ويكمل وينمو. تلك حدود الله التي تمنع من الوقوع فيها، فيجب أن لا تتعدى ولا يقصر عنها، وللكافرين عذاب أليم. بلدي رحمه الله en expliquant le troisième verset de Sourate Al-Mujadalah. Lorsque Allah Azza wa Jalla dit « وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُوا لِمَا قَالُوا » Ceux qui font le zihar, puis reviennent sur ce qu'ils ont dit. Les savants ont divergé sur le sens du revenir, puis ils reviennent sur ce qu'ils ont dit. Certains ont dit que la signification de « Al-Aoud » c'est la volonté d'avoir un rapport avec celle qu'il s'est interdit. Et que le simple fait qu'il ait envie d'avoir un rapport avec elle lui oblige de verser et de donner l'expiation citée. La preuve de cela et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a cité par la suite l'expiation à donner, il dit que cette expiation doit avoir lieu avant le rapport. Et ceci a lieu par le désir d'avoir un rapport. Et d'autres ont dit que le sens de revienne sur ce qu'ils ont dit, c'est-à-dire le rapport en lui-même. Et ce qui prouve cela est la parole d'Allah Azza wa Jal, puis reviennent sur ce qu'ils ont dit. Or, ce qu'ils ont dit, c'est de s'interdire leur femme, c'est-à-dire de s'interdire le rapport. Est-ce que vous avez saisi la nuance ou pas? Oui ou non? ثُمَّ يَعُودُوا لِمَا قَالُوا Puis ils reviennent sur ce qu'ils ont dit. Certains savants ont dit qu'il revient sur ce qu'il a dit, c'est-à-dire le fait qu'il ait l'intention de vouloir avoir un rapport avec son épouse. Car Allah Azza wa Jal, par la suite, et on le verra dans la suite du verset, qu'Allah Azza wa Jal il y a une expiation à celui qui a fait le zihar. Celui qui a fait le zihar, celui qui a dit à son épouse « Tu es pour moi interdite » ou « Tu es pour moi comme... » le dos de ma mère, il y a une expiation qu'il devra faire avant d'avoir un rapport avec son épouse. Allah Azza wa Jal a dit, ceux qui ont fait le zihar à leur femme, puis reviennent sur ce qu'ils ont dit. Certains savants ont dit, à partir du moment où il a l'intention d'avoir un rapport, eh bien, il doit donner l'expiation avant d'avoir le rapport. Car Allah Azza wa Jal dit que l'expiation doit être donnée avant d'avoir le rapport. Donc ce qui prouve qu'il n'a pas le droit d'avoir de rapport avant de donner l'expiation. Donc si Allah lui oblige l'expiation quand il revient, c'est-à-dire lorsqu'il a l'intention et qu'il a la volonté d'avoir un rapport avec son épouse. Et d'autres savants ont dit non, que ce qui est voulu par là, c'est le rapport. Car Allah Azza wa Jalla dit, puis ils reviennent sur ce qu'ils ont dit. Autrement dit, qu'il a dit une chose, mais il revient sur sa parole, donc que sa parole n'est plus d'actualité, qu'elle n'est plus valable. Et donc, du coup, qu'il a le droit d'avoir un rapport avec son épouse. « Wa ala kulli min al-qawlain » Cheikh Sa'di rahimahullah dit, « Quels que soient les deux avis, ou l'un des deux avis choisis, lorsqu'il y a un retour, lorsqu'il revient sur sa parole, eh bien, il doit donner l'expiation de cette parole. Et l'expiation, c'est tout d'abord l'affranchissement d'un esclave. Fatahrir ou raqabah. Thumma ya'ouduna lima qalu fatahrir ou raqabah. Il doit affranchir un esclave. Et cet esclave doit être croyant. Mu'mina. Comme cela a été restreint dans d'autres versets. Et on avait déjà parlé de ce sujet dans Taysir al-Allam. À quel moment ? De cet homme qui est venu voir le prophète sallam, il a dit, Ya Rasulallah, halaktu, ou envoyé d'Allah, j'ai causé ma perte. Et le prophète sallam lui a dit, Hal tajidu aqabatan ta'tiquha, est-ce que tu as un esclave à franchir ? Il a dit, non. Et on a vu dans l'explication de ce hadith que l'avis le plus fort est que l'esclave doit être croyant, car cela a été cité de façon précise concernant l'expiation de celui qui tue un croyant par erreur. On va dire que tout le monde est mu'tamida, fatahriru raqabatin mu'mina. Et celui qui tue un croyant, on va dire que tout le monde est khata'an, par erreur, son expiation est d'affranchir un esclave croyant. Donc, s'il est affranchi un esclave, c'est un esclave croyant qu'il soit, que ce soit un homme ou une femme, à condition qu'il n'ait pas de défaut qui l'empêche de travailler. Car un esclave est au service de son maître. Et donc, il ne doit pas avoir de maladie ou ou autre raison qui l'empêche de travailler. Puis Allah Azza wa Jalla a dit, « Min qabli an yatamassa » avant d'avoir tout contact conjugal avec leur femme. C'est-à-dire que le mari doit délaisser et ne doit pas avoir de rapport conjugal avec son épouse qu'il s'est interdit jusqu'à ce qu'il affranchisse un esclave. « Zalikum tu'adhuna bih » C'est ce don, c'est-à-dire c'est ce jugement. C'est ce jugement, c'est à travers ce jugement que nous vous rappelons. Tu'adhuna bih, c'est ce don on vous exhorte. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jalla nous exhorte à travers ce jugement. C'est-à-dire, Cheikh Sa'di rahimahullah dit, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jalla vous explique le jugement ma'at tarhib al-maqrouni bih. Avec le fait qu'Allah Azza wa Jal nous cite cela pour nous faire peur, pour faire en sorte que l'on s'éloigne de cela. Et l'exhortation, comme l'a dit Cheikh Sa'di rahimahullah, c'est le fait de citer le jugement d'une chose soit en encourageant les gens à le faire, ou soit en mettant en garde les gens de le faire. C'est ça l'exhortation. Tu dis par exemple, Allah Azza wa Jal a interdit le kham, a interdit la consommation d'alcool. Celui qui consomme de l'alcool, il sera ressuscité le jour du jugement de telle et telle façon. Ici, tu es en train de faire une exhortation. Car tu cites un jugement et tu accompagnes ce jugement d'une motivation ou d'une répulsion. C'est-à-dire que tu fais en sorte que cette personne craigne de commettre ce péché. Ainsi, cela est une exhortation par ce jugement, car celui qui voudra faire le zihar, celui qui voudra s'interdire sa femme, se rappellera que s'il le fait, il devra affranchir un esclave. Lorsqu'il réfléchira et se rappellera que s'il le fait, il devra affranchir un esclave, eh bien, il s'abstient de le faire. Et cela le décourage de le faire. Wallahu bima ta'maluna khabir. Et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Et il rétribuera chaque personne selon les actes qu'elle aura accomplis. Puis Allah Azza wa Jal dit, famal lam yajid. Celui qui n'en trouve pas. C'est-à-dire, celui qui ne trouve pas d'esclaves à affranchir. فَعَلَيْهِ صِيَامُ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَ. Il doit alors jeûner 2 mois consécutifs avant d'avoir tout rapport conjugal avec son épouse. Donc celui qui ne peut pas affranchir, il doit jeûner 2 mois consécutifs. Si dans ces 2 mois consécutifs, il ne jeûne pas un seul jour, il devra recommencer 2 mois consécutifs par la suite. فَمَلْ لَمْ يَسْتَطِعْ. Puis Allah Azza wa Jalla dit, فَمَلْ لَمْ يَسْتَطِعْ. Celui qui ne peut pas le faire, celui qui ne peut pas jeûner, فَيْطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينَ, alors qu'il nourrit 60 pauvres. Soit en les nourrissant par la principale nourriture des gens de son pays, qui est suffisante. Il y a 2 façons de nourrir les pauvres, comme l'a dit Cheikh Saadi. Et c'est la première et la parole de la majorité des Mufassirin. Nourrir 60 pauvres, c'est-à-dire donner à 60 pauvres la nourriture suffisante qui est connue dans le pays dans lequel tu vis. Si tu sais que dans le pays dans lequel tu vis, tu sais qu'une personne est rassasiée lorsqu'elle mange tel ou tel plat, qui est un plat local, par exemple. Eh bien, tu donnes à 60 pauvres cette nourriture principale qui est connue pour suffire à une personne. Ou bien de donner à chaque pauvre un moud d'orge. Un moud d'orge. Le moud, c'est ce qui est contenu dans les 2 mains ouvertes et jointes. Ou bien la moitié d'un sa' de ce qui est donné fil fitra. Ici, fil fitra, c'est-à-dire dans zakat al-fitr. Ou la moitié d'un sa', et la moitié d'un sa', c'est combien de moud? 2. Un sa', c'est 4 moud. La moitié d'un sa', c'est 2 moud. Ou donner 2 moud des autres ingrédients qui sont donnés dans zakat al-fitr. Kama huwa qawlu ta'ifatin ukhra. Comme cela est la parole d'autres savants. Et ce jugement qu'Allah Azza wa Jal nous a explicité, quelle en est la raison? لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. Cela pour que vous croyiez en Allah et à son messager. Ceci en mettant en application ce jugement et les autres jugements. Car le fait de Suivre les jugements d'Allah et de les mettre en pratique, cela fait partie de la foi. Et c'est ce qui augmente la foi, c'est ce qui la rend parfaite. Puis Allah Azza wa Jal dit « Tilka hududullah ». Voilà les limites d'Allah qu'il interdit de franchir et ainsi que vous n'avez pas le droit d'outrepasser. Walil kafirina azabun alim, et les mécréants auront un châtiment douloureux. ثم قال الشيخ السعدي رحمه الله وفي هذه الآيات عدة أحكام منها لطف الله بعباده واعتناؤه بهم حيث ذكر شكوى هذه المرأة المصابة وأزالها ورفع عنها البلوى بل رفع البلوى بحكمه العام لكل من ابتلي بمثل هذه القضية ومنها أن الظهار مختص بتحريم الزوجة لأن الله قال من نسائهم فلو حرم أمته لم يكن ذلك ظهارا بل هو من جنس تحريم الطعام والشراب تجب فيه كفارة اليمين فقط ومنها أنه لا يصح الظهار من امرأة قبل أن يتزوجها لأنها لا تدخل في نسائه وقت الظهار كما لا يصح طلاقها سواء نجز ذلك أو علقه ومنها أن الظهار محرم لأن الله سماه منكرا من القول وزورا ومنها تنبيه الله على وجه الحكم وحكمته لأن الله تعالى قال ما هن أمهاتهم ومنها أنه يكره للرجل أن ينادي زوجته ويسميها باسم محارمها كقوله يا أمي يا أختي ونحوه لأن ذلك يشبه المحرم ومنها أن الكفارة إنما تجب بالعود لما قال المظاهر وعلى اختلاف القولين السابقين لا بمجرد الظهار ومنها أنه يجزئ في كفارة الرقبة الصغير والكبير والذكر والأنثى لإطلاق الآية في ذلك ومنها أنه يجب إخراجها إذا كانت عتقا أو صياما قبل المسيس كما قيده الله بخلاف كفارة الإطعام فإنه يجوز المسيس والوطء في أثنائها ومنها أنه لعل الحكمة في وجوب الكفارة قبل المسيس أن ذلك أدعى لإخراجها فإنه إذا اشتاق إلى الجماع وعلم أنه لا يمكن من ذلك إلا بعد الكفارة بادر لإخراجها ومنها أنه لا بد من إطعام 60 مسكينا فلو جمع طعام 60 مسكينا ودفعها لواحد أو أكثر من ذلك دون 60 لم يجز ذلك لأن الله قال فإطعام 60 مسكينا. Puis Cheikh Saadi rahimahullah dit, et l'on retient de ces versets de nombreux jugements. Premièrement, la douceur d'Allah envers ses serviteurs et l'intérêt qu'Allah subhanahu wa ta'ala porte à ses serviteurs. Lorsqu'il a cité la plainte de cette femme, Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que sa peine et son chagrin et son épreuve soient levés et dissipés. Allah azza wa jal a même levé cette épreuve par ce jugement général qui concerne tous les cas similaires. Donc ici, Allah Azza wa Jal a cité le jugement de Zihar pour Khawla bint Tha'laba radiyallahu anha de façon précise, mais cela est un jugement qui concerne l'ensemble de la communauté, quelle que soit l'époque dans laquelle elle vit. Parmi les jugements également est que Al-Zihar est concerné uniquement pour celui qui s'interdit sa femme. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ » et ceux qui font le Zihar de leur femme. Ainsi, s'il s'interdit son esclave, cela ne sera pas considéré comme un zihar, car cela sera similaire à celui qui s'interdit de boire et de manger. Il devra alors faire l'expiation de celui qui jure uniquement. Il devra faire l'expiation de celui qui jure uniquement. Et quelle est l'expiation de celui qui jure uniquement ? Avant ? Nourrir 10 pauvres ou les aukiswatuhum ou les habiller. Et celui qui ne peut pas, qu'il فَتَحْلِيُوا رَقَبَ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامُ. Et celui qui ne peut pas, qu'il jeûne 3 jours. ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ. Voilà l'expiation que vous devez donner lorsque vous jurez. وَمِنْهَا, également, ce que l'on retient de ces versets, est que le zihar n'a pas lieu, n'est pas effectif sur une femme avant de s'être mariée avec elle. Donc celui qui dit à une femme, tu es interdite pour moi. Est-ce que cela est considéré comme un zihar? Non, car il n'est pas encore marié avec elle. Et elle ne fait pas partie, elle n'est pas considérée comme son épouse au moment où il a fait ce zihar. De la même façon que s'il dit à une femme avec qui il n'est pas marié, tu es, je te divorce. Je te divorce. Est-ce que le divorce est effectif? La réponse est non, car il n'est pas marié à la base. Et c'est ici, Cheikh Saadi dit, sawa'un najjaza dhalika aw 'allaqah, qu'il le dise de façon inconditionnelle ou de façon conditionnelle. Par exemple, s'il dit à une femme, si tu fais telle et telle chose, tu es divorcé. Alors qu'à la base, ce n'est pas sa femme. Qu'il la divorce conditionnellement ou de façon directe, dans tous les cas, ce divorce n'est pas valide. Et bien, de la même façon, le zihar n'est pas pris en compte lorsqu'il n'est pas marié avec cette femme. On retient également, parmi les jugements de ces versets, est que al-zihar est interdit, muharram, car Allah Azza wa Jal l'a appelé comme une chose, comme une parole blâmable et un mensonge. Et Allah Azza wa Jal, et on retient également l'interpellation d'Allah Azza wa Jal concernant al-zihar par le jugement et par la sagesse également. Car Allah Azza wa Jal dit « Ma hun ummahatihim »« Ma hunna ummahatihim » »« Elles ne sont pas leurs mères. » Ils s'interdisent leurs femmes en disant « Tu es pour moi comme ma mère » alors qu'elles ne sont pas leurs mères. « In ummahatuhum illa la'i waladnahum » Leurs mères, ce sont celles qui les ont mis au monde. Ce ne sont pas celles avec qui ils partagent ils partagent leur vie. Waminha également, ce que l'on retient de ces versets est qu'il est détestable pour l'homme d'appeler sa femme. Quand on dit d'appeler, c'est appeler ou de nommer sa femme par le nom d'une femme qui lui est interdite au mariage, comme le fait de dire à sa femme « Oh maman » ou « Oh ma sœur » ou toute chose similaire, car cela ressemble à l'interdit. Car cela ressemble à l'interdit. Car quand tu dis cela, tu ressembles à celui qui a fait le zihar, même si ce n'est pas ton intention. Donc, et cela est interdit même pour plaisanter. Même pour plaisanter, tu ne dis pas à ta femme « Hey maman » ou « ma sœur » en ayant l'intention que c'est sa sœur de sang, etc. Et cela est rapporté dans un hadith où un homme a appelé sa femme par sa sœur. Et le prophète Hassan m'a dit, ce n'est pas ta sœur. Le hadith est rapporté par l'imam Abu Daoud dans ses Sunan. Également, on le retient de ces versets que l'expiation, إِنَّمَا تَجِبُ بِالْعَوْدِ لِمَا قَالَ الْمُظَاهِرِ, que l'expiation est obligatoire au moment où celui qui a fait le dhihar revient sur sa parole. En prenant en compte la divergence des savants sur ce que signifie revenir sur sa parole. Est-ce le fait d'avoir la volonté d'avoir un rapport avec son épouse ou de faire le rapport directement? Et que l'expiation n'a pas lieu donc uniquement à cause du dihar. Il faut bien comprendre cette nuance. Quand est-ce que l'expiation est obligatoire? Lorsqu'il revient sur sa parole. Donc l'expiation, ce n'est pas parce qu'il a fait le dhihar. Le fait de faire le dhihar, c'est autorisé ou interdit? Interdit. Celui qui fait le dhihar, par exemple, et depuis qu'il a dit cette parole, il n'a plus jamais approché sa femme. Et il est mort ainsi. Est-ce que l'expiation était obligatoire pour lui ou pas? Non, car il n'est pas revenu sur sa parole. Donc là, l'expiation entre en compte lorsque l'homme revient sur sa parole. C'est là où l'expiation est obligatoire, et non pas par le simple fait d'avoir fait le dhihar. Wa minha, également parmi les jugements qu'on retient de ce verset, que concernant l'affranchissement de l'esclave, donc on a dit que l'esclave devait être croyant, qu'il soit petit ou grand, garçon ou fille, car le verset a été général. Et concernant le fait qu'il soit croyant ou non, cela est restreint par le verset 2 de Nisa. On a vu, فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ. Le fait qu'il soit croyant, ça a été restreint par un autre verset. Mais qu'il soit grand ou petit, qu'il soit garçon ou fille, cela n'a été restreint par aucun autre verset. Donc, cela reste dans sa globalité. On retient également de ces versets que l'expiation, lorsque l'expiation et l'affranchissement ou le jeûne, elle doit être donnée avant d'avoir fait le rapport. Comme Allah Azza wa Jal l'a clairement spécifié, contrairement à l'expiation en nourrissant 60 pauvres, il est autorisé d'avoir le rapport au moment où on donne l'expiation. Si on reprend le verset, Allah Azza wa Jalla dit: وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ, ceux qui ont fait le dhihar à leur femme puis reviennent sur ce qu'ils ont dit. فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ, il doit alors affranchir un esclave, مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَسَّ, avant d'avoir un rapport avec son épouse. ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ, c'est ce dont avec quoi Allah vous exhorte. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ, Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَ, et celui qui ne trouve pas, c'est-à-dire d'esclaves à franchir, alors qu'il jeûne 2 mois consécutifs avant d'avoir un rapport avec elle. فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينَ, et celui qui ne peut pas, qu'il jeûne, qu'il nourrisse à Afwan 60 pauvres. Et ici, Allah Azza wa Jalla n'a pas dit « min qabli an yatamassa ». Il ne l'a pas dit. Donc, les savants ont déduit qu'il est autorisé de donner, d'avoir un rapport au moment où tu nourris les pauvres. On retient également comme jugement, comme l'a dit le Cheikh Saadi, rahimahullah, que la sagesse de l'obligation de donner l'expiation avant le rapport et que cela est plus propice à ce que l'expiation soit faite. Car s'il veut un rapport avec son épouse, il sait qu'il ne pourra le faire qu'après avoir donné son expiation. Alors il s'empresse de le faire. Et cela, on l'a dit, concerne l'affranchissement et le jeûne de 2 mois consécutifs. Également, on retient de ces versets qu'il est obligatoire de nourrir 60 pauvres. Si il réunissait la nourriture de 60 pauvres et donne toute cette nourriture à un pauvre ou plus, mais en dessous de 60, que cela ne sera pas comptabilisé. Car Allah Azza wa Jalla a dit, فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينَ. Car Allah Azza wa Jalla a dit, il faut nourrir 60 pauvres. Donc il ne faut pas confondre entre ça et, par exemple, Asriyam. Que le jeûne, par exemple, celui qui n'a pas jeûné un jour, par exemple, pour les personnes qui ont une maladie incurable, ils doivent nourrir pour chaque jour non jeûné un pauvre. Et les savants disent, quand ils parlent de cette compensation, qu'il peut nourrir un pauvre par jour ou réunir 30 pauvres et les nourrir. Les nourrir un seul jour. D'accord ? Il aura nourri pour chaque jour un pauvre. Mais ce n'est pas le cas ici, car Allah Azza wa Jalla a cité de façon claire le nombre de pauvres à nourrir. Donc le nombre de pauvres à nourrir, on peut les nourrir soit en 60 jours, soit en un jour, du moment qu'on a 60 pauvres. Non, mais il ne faut pas prendre la nourriture de 60 pauvres, de 60 personnes, et la donner à une seule personne. Non, il faut que ce soit 60 pauvres différents. ثم قال تعالى إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. Puis Allah عز وجل dit son le sens, ceux qui s'opposent à Allah et à son messager seront culbutés comme furent culbutés leurs devanciers. Nous avons déjà fait descendre des preuves explicites et les mécréants auront un châtiment avilissant. قال الشيخ السعدي رحمه الله محادة الله ورسوله مخالفتهما ومعصيتهما خصوصا في الأمور الفظيعة كمحادة الله ورسوله بالكفر ومعادات أولياء الله وقوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم أذلوا وأهينوا كما فعل بمن قبلهم جزاء وفاقا وليس لهم حجة على الله فإن الله قد قامت حجته البالغة على الخلق وقد أنزل من الآيات البينات والبراهين ما يبين الحقائق ويوضح المقاصد فمن اتبعها وعمل عليها فهو من المهتدين الفائزين وللكافرين بها عذاب مهين يهينهم ويذلهم كما تكبروا عن آيات الله أهانهم وأذلهم. Donc Cheikh Saadi rahimahullah dit que ceux qui s'opposent, l'opposition à Allah et à son envoyé, c'est-à-dire les contredire et leur désobéir, notamment dans les choses graves, comme le fait de s'opposer à Allah et à son envoyé sallallahu alayhi wa sallam par la mécréance, ou de s'opposer à Allah et à son envoyé en s'en prenant aux alliés d'Allah. Et la parole d'Allah azza wa jal, kubitu kama kubita alladhina min qablihim, ils seront culbutés comme furent culbutés leurs devanciers, c'est-à-dire qu'ils seront humiliés, et ils seront rabaissés, comme cela a été fait pour ceux qui les ont précédés. Jazaa'an wifaqa, c'est une rétribution proportionnelle. Et ils n'auront aucune preuve contre Allah, car Allah subhanahu wa ta'ala a établi sa preuve contre ses serviteurs, contre la créature. Il a fait descendre des signes évidents et des preuves qui montrent clairement la réalité des choses. Celui qui les suit, c'est-à-dire qui suit ces signes d'Allah azawajal et les met en pratique, fait partie des bien guidés et de ceux qui gagneront. Walil kafirina biha, et ceux qui sont mécréants vis-à-vis de ces signes évidents et explicites auront un châtiment avilissant. C'est-à-dire qu'Allah azawajal les humiliera, il les rabaissera de la même façon qu'ils se sont enorgueillés vis-à-vis des signes d'Allah, eh bien Allah azawajal les rabaissera et les humiliera. ثم قال تعالى يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, ces versets 6 et 7 de sourate Al-Mujadala sont le sens, le jour où Allah les ressuscitera tous, puis les informera de ce qu'ils ont fait. Allah l'a dénombré et ils l'auront oublié. Allah est témoin de toutes choses. Ne vois-tu pas qu'Allah sait ce qui est dans les cieux et sur la terre? Pas de najwa, c'est-à-dire de conversation secrète, entre trois sans qu'il ne soit leur quatrième, ni entre cinq sans qu'il n'y soit leur sixième, ni moins ni plus que cela sans qu'il ne soit avec eux, là où ils se trouvent. Ensuite, il les informera le jour de la résurrection de ce qu'ils faisaient, car Allah est omniscient. قال الشيخ السعدي رحمه الله يقول تعالى يوم يبعث الله الخلق جميعا فيقومون من أجداثهم سريعا فيجازيهم بأعمالهم فينبئهم بما عملوا من خير وشر لأنه علم ذلك وكتبه في اللوح المحفوظ وأمر الملائكة الكرام الحفظة بكتابته هذا والعاملون قد نسوا ما عملوا والله أحصى ذلك والله على كل شيء شهيد بالظواهر والسرائر والخبايا والخفايا ولهذا أخبر عن سعة علمه وإحاطته بما في السماوات والأرض من دقيق وجليل وأنه ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا والمراد به المعية والمراد بهذه المعية معية العلم والإحاطة بما تناجوا به وأسروه فيما بينهم ولهذا قال إن الله بكل شيء عليم. Donc dans l'explication de ces versets 6 et 7 de sourate Al-Mujadala, le Cheikh Saadi rahimahullah dit, Allah Azzawajal dit que le jour où il ressuscitera les créatures, l'ensemble des créatures se lèveront et sortiront précipitamment de leur tombe afin d'être rétribués selon leurs actes. فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا. Et Allah Azzawajal les informera de ce qu'ils ont fait, de bien et de mal. Car Allah Azzawajal sait cela. Il l'a écrit dans la planche préservée et a ordonné à ses anges nobles, les scribes, de le noter et de l'inscrire. Ceci, alors que ceux qui ont fait ces actes ont oublié ce qu'ils ont fait. Mais Allah Azzawajal l'a enregistré. Wallahu ala kulli shayin shahid. Et Allah est témoin de toutes choses. C'est-à-dire qu'il est témoin des choses apparentes comme des choses secrètes, des choses cachées comme des choses que l'on montre. C'est pour cela qu'Allah Azzawajal a informé de l'étendue de sa science et que sa science englobe tout ce qu'il y a dans les cieux et dans la terre, que ce soit des choses grandes ou des choses minuscules. Pour cela qu'il dit Azzawajal, ne vois-tu pas qu'Allah sait ce qui est dans les cieux et sur la terre. Pas de discussion secrète entre trois sans qu'il ne soit le quatrième. Ni entre cinq sans qu'il n'y soit leur sixième. Ni moins ni plus que cela sans qu'il ne soit avec eux là où ils se trouvent. Et Al-Ma'iyya ici, qui est voulu dans ce verset, c'est-à-dire la présence d'Allah Azzawajal par sa science. Par sa science et le fait qu'il sait parfaitement ce qu'ils disent dans ces discussions secrètes et ce qu'ils se cachent entre eux. Pour cela qu'Allah Azzawajal a clôturé ce verset en disant Inna Allah bi kulli shay'in alim. Allah est savant et connaisseur de toute chose, quelle que soit cette chose, quelle qu'en soit son ampleur, quelle que soit sa nature. ثم قال تعالى ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. Il dit سبحانه وتعالى: Ne vois-tu pas ceux à qui les conversations secrètes ont été interdites? Puis ils se retournent à ce qui leur a été interdit et se concertent pour pécher, transgresser et désobéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand ils viennent à toi, ils te saluent d'une façon dont Allah ne t'a pas salué et disent en eux-mêmes: Pourquoi Allah ne nous châtie pas pour ce que nous disons? L'enfer leur suffira où ils brûleront et quelle mauvaise destination. Ô vous qui avez cru, quand vous tenez des discussions secrètes, ne vous concertez pas pour pécher, transgresser et désobéir aux messagers, mais concertez-vous dans la bonté et la piété et craignez Allah vers qui vous serez rassemblés. قال الشيخ السعدي رحمه الله النجوى هي التناجي بين اثنين فأكثر وقد تكون في الخير وتكون في الشر فأمر تعالى المؤمنين أن يتناجوا بالبر وهو اسم جامع لكل خير وطاعة وقيام بحق لله ولعباده والتقوى هي هنا اسم جامع لترك جميع المحارم والمآثم فالمؤمن يمتثل هذا الأمر الإلهي فلا تجده مناجيا ومتحدثا إلا بما يقربه من الله ويباعده من سخطه والفاجر يتهاون بأمر الله ويناجي بالإثم والعدوان ومعصية الرسول كالمنافقين الذين هذا دأبهم وحالهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم قال تعالى وإذا جاءوك حيوك بما لم يحييك به الله أي يسيئون الأدب معك في تحيتهم لك ويقولون في أنفسهم أي يسرون في أنفسهم ما ذكره عالم الغيب والشهادة عنهم وهو قولهم لولا يعذبنا الله بما نقول ومعنى ذلك أنهم يتهاونون بذلك ويستدلون بعدم تعجيل العقوبة عليهم أنما يقولون غير محذور قال تعالى في بيان أنه يمهل ولا يهمل حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير أي تكفيهم جهنم التي جمعت كل شقاء وعذاب عليهم تحيط بهم ويعذبون بها فبئس المصير وهؤلاء المذكورون إما أناس من المنافقين يظهرون الإيمان ويخاطبون الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الخطاب الذي يوهمون أنهم أرادوا به خيرا وهم كذبة في ذلك وإما أناس من أهل الكتاب الذين إذا سلموا على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا السلام عليك يا محمد يعنون بذلك الموت النجوى la discussion النجوى en arabe c'est le fait d'avoir une discussion secrète entre deux personnes voire plus et cette discussion peut porter sur un bien comme sur un mal. Allah Azza wa Jal a ordonné aux croyants d'avoir des discussions entre eux de bonté, qui est un nom général qui englobe tout le bien et toute l'obéissance. Et le fait de mettre en pratique les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que les droits de ses serviteurs. Et à taqwa, la piété, وتناجوا بالبر والتقوى, comme a dit Allah Azza wa Jalla, mais ayez des discussions secrètes dans la bonté et la piété. Donc la bonté, c'est ce qui englobe tout le bien et toute l'obéissance. Et التقوى, c'est un nom général qui signifie de délaisser tous les interdits et toutes les mauvaises choses. Ainsi, le croyant se doit de mettre en application cet ordre divin. Tu ne trouveras donc le croyant, lorsqu'il discute, que ce soit de façon ouverte ou en secret, il ne parle que de ce qui le rapproche d'Allah Azza wa Jal. Il ne parle que de ce qui l'éloigne du courroux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant au pervers, eh bien, il est laxiste, et ne met pas en pratique cet ordre, et lorsqu'il a des discussions secrètes, ce sont des discussions qui concernent des péchés, des transgressions et de la désobéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme cela était notamment le cas des hypocrites dont cela était leur habitude vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et vous savez que, à force d'avoir des discussions mauvaises, les hypocrites en sont amenés, dans leurs discussions secrètes notamment, de décréter qu'ils allaient tuer le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Donc là, on ne parle plus de désobéissance au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais d'assassinat du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهِ وَإِذَا جَاءُوكَ » Et quand ils viennent à toi, ils te saluent d'une façon dont Allah ne t'a pas salué. C'est-à-dire qu'ils se comportent mal avec toi lorsqu'ils te saluent. Et ils disent en eux-mêmes, fi anfusihim, c'est-à-dire qu'ils disent dans leur fort intérieur ce que nous révèle celui qui est parfaitement connaisseur de l'invisible et du visible, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah azza wa jalla nous révèle ce que ces personnes disaient dans leur fort intérieur. Laula yu'adhibuna Allah bima naqul. Pourquoi Allah ne nous châtie pas pour ce que nous disons? C'est-à-dire qu'il minimisait ces paroles qu'il disait au prophète sallallahu alayhi wa sallam et par lesquelles il manquait de respect à l'égard du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils avaient pour preuve que ces paroles n'étaient pas graves par le fait que le châtiment ne s'est pas précipité sur eux. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, pour montrer qu'il laisse mais qu'il n'oublie pas, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Inna Allah yumli li dhalim hatta idha akhadahu lam yuflituhu » qu'Allah azza wa jal laisse l'injuste et l'opprimeur et l'oppresseur. Le laisse pour le tromper, pour que cet oppresseur prenne de l'aise dans ce qu'il fait de mal, mais lorsqu'Allah Azza wa Jal le saisit, il ne le loupe pas. Ainsi, Allah Azza wa Jal yumhil wa la yuhmil. Allah laisse faire les choses, mais il n'oublie pas. Pour cela qu'il dit Hasbuhum jahannam yaslawnaha fabi'sa al-masir. L'enfer leur suffira, où ils brûleront, et quelle mauvaise destination. C'est-à-dire que suffit l'enfer dans lequel est réuni l'ensemble des malheurs et des châtiments. Un enfer qui les encerclera, un enfer dans lequel ils seront châtiés, فَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Et quelle mauvaise destination. Et Cheikh Saadi rahimahullah dit, ceux qui ont été cités sont soit des gens parmi les hypocrites qui faisaient apparaître la foi, mais lorsqu'ils s'adressaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils s'adressaient d'une façon qui laissait apparaître qu'ils voulaient du bien. Et que ce sont qu'ils voulaient du bien au prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'ils sont menteurs dans cela. Ou bien ce verset fait allusion à des personnes parmi les gens du livre qui, lorsqu'ils saluaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam, disaient Assalamu alayka ya Rasulallah, Assalamu alayka ya Muhammad, Assalamu alayka ya Muhammad, que le si on traduit littéralement, que le poison soit sur toi, ô Muhammad. Au lieu de dire Assalamu alayka ya Muhammad, il disait Assamu. Donc là, qu'est-ce qu'on a enlevé? Une lettre qui change le sens du mot, pire encore, qui donne au mot le sens contraire. Car Assalamu, lorsque tu dis Assalamu, paix sur toi, tu demandes à Allah de préserver celui sur qui tu salues, de le préserver de tout mal. Or ici, il disait Assalamu alayka ya Muhammad. Et ici, Assam, il voulait par cela la mort. Que la mort soit sur toi, ô Muhammad, comme cela est rapporté dans le hadith de Aisha radiallahu anha, que vous connaissez tous, qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim dans son Sahih. Lorsque des juifs ont dit au prophète sallam Assalamu alayka ya Muhammad. Et le prophète sallam a dit Wa alaykum. Et à vous aussi. Aïcha radiallahu anha, lorsqu'elle a entendu cela, elle s'est énervée et a dit Que la mort soit sur vous, ô les frères des singes et des porcs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Aïcha radiallahu anha, qu'est-ce que cela, ô Aïcha? Elle a dit, ô envoyé d'Allah, ils ont dit telle et telle chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, n'as-tu pas entendu ce que je leur ai répondu? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, à vous aussi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que ce qu'ils disent sur moi n'est pas exaucé, or ce que je dis sur eux est exaucé. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Aïcha, ya Aïcha, ma kana rifqu fi shay'in illa zana, wa ma nuzi'a min shay'in illa shana, ou Aïcha. Ne sais-tu pas que la douceur et la gentillesse embellissent la chose lorsqu'elle y est présente, et que lorsque la gentillesse et la douceur est enlevée d'une chose, elle ne fait que l'enlaidir. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.